Apocalypse chapitre 7. Après cela je vis quatre anges, qui se tenaient aux quatre coins de la terre, et qui retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux quatre anges, qui avaient eu ordre de nuire à la terre et à la mer. Et leur dit, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Et j'entendis que le nombre des marqués, était de 144 000, qui furent marqués de toutes les tribus des enfants d'Israël, savoir, de la tribu de Juda, 12 000 marqués, de la tribu de Ruban, 12 000 marqués, de la tribu de Gad, 12 000 marqués, de la tribu de Zé, 12 000 marqués, de la tribu de Nephtali, 12 000 marqués, de la tribu de Manassé, 12 000 marqués, de la tribu de Siméon, 12 000 marqués, de la tribu de Lévi, 12 000 marqués, de la tribu d'Issachar, 12 000 marqués, de la tribu de Zabulon, 12 000 marqués, de la tribu de Joseph, 12 000 marqués, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. Après cela, je regardai, et voici une grande multitude de gens, que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple et langue, lesquels se tenaient devant le trône, et en la présence de l'agneau, vêtus de longues robes blanches, et ayant des palmes en leurs mains. Et ils criaient à haute voix, en disant, le salut est de notre Dieu, qui est assis sur le trône, et de l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens, et des quatre animaux, et ils se prosternèrent devant le trône sur leur face, et adorèrent Dieu, en disant, Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Alors un des anciens prit la parole, et me dit, ceux-ci, qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, et qui ont lavé et blanchi leurs longues robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône habitera avec eux. Ils n'auront plus de faim, ni de soif, et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône, les pétera, et les conduira aux vives fontaines des eaux, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux.